Allez, allez, les petits, les drogues, c'est pas fini. Nous allons tous leur montrer qu'on peut remonter. Donnez-nous du grand bonheur à remettre en nos cœurs. Pour l'Olympique, on sera d'autant qu'on vivra. Dans nos cœurs, ça tient de la place. Et cela reste quoi qu'on fasse. Mais maintenant qu'on se le dise, on a fondé. Donc 246, c'est pour que nos gamins grandissent et que demain ils reviennent dans l'équipe, refaire le grand Olympique. Allez, allez, les petits, les drogues, c'est pas fini. Nous allons tous leur montrer qu'on peut remonter. Donnez-nous du grand bonheur à remettre en nos cœurs. Pour l'Olympique, on sera d'autant qu'on vivra. Quelques dogues le vague à l'âme, on voulera allumer la flamme. Si vous voyez les camarades, 246 dans le stade. De plus en plus de gens, revenir comme avant, remplir le stade à bloc en criant « Allez les dogues !» Allez, allez les petits, les dogues c'est pas fini. Nous allons tous leur montrer qu'on peut remonter. Donnez-nous du grand bonheur à remettre en nos cœurs. Pour l'Olympique, on sera d'autant qu'on vivra. Allez, allez, les petits, les drogues, c'est pas fini. Nous allons tous leur montrer qu'on peut remonter. Donnez-nous du grand bonheur à remettre en nos cœurs. Pour l'Olympique, on sera d'autant qu'on vivra.